majesté devant un tel bonheur, là où la vie est vraie, là où l'amour est roi, pouvoir connaître un bonheur plein de passion. Passion.